mon discours n'est pas justifié, ni même centré, je vais le faire en TXT. J'ai la clé USB du problème, et si tu veux, je t'invite, système. Y a-t-il un pilote dans la carte mère afin d'y faire le nécessaire? Je vais encore devoir écraser les touches contrôle.